gouvernement se dispute le royaume de Québec et ses buts. Fin janvier, on met fin à cette lutte en jouant pour l'élite de la flûte. Carnaval, Mardi Gras, carnaval, à Québec, c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, carnaval, chantons tous le joyeux carnaval. Jour de l'an, jour des rois célébrés, un bonhomme nous arrive déguisé. Donne de la ville toutes les clés et en fait son portrait tacté. Carnaval, Mardi Gras, carnaval, à Québec c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, carnaval, chantons tous le joyeux carnaval. En l'honneur du bonhomme carnaval, chacun fait des tas de choses peu banales. C'est ainsi que les femmes pour un bal, vieux corset à baleine nous déballent. Carnaval, Mardi Gras, carnaval, à Québec c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, carnaval, chantons tous le joyeux carnaval. À Québec, c'est tout un festival. C'est beau, carnaval, c'est beau, carnaval, à Québec. C'est des monuments de glace, ça. Non, non, c'est les gens qui sont sur place. Ben voyons, là, on doit. On m'a dit, regarde, c'est des grandeurs humaines. C'est comme des humains. Ben non. Raoul, c'est pas comme des humains, c'est des humains. Des humains, c'est déshumanisé, ces gens. Non, mais non, au contraire. On leur donne vie par l'art de la sculpture sur glace. Ah, mais voyons. Moi, je parle ma c'est, non, je peux pas être négatif. C'est beau. Ça fait 20 minutes que je suis la main à un genre de bonhomme. C'est pas un genre, c'est un bonhomme. Moi, merci. Laisse-moi, j'ai comme la bouche. C'est la bouche pis la langue qui est super surgelée. Moins 40 se promener dans des sentiers gelés, glacés, c'est merveilleux. Ça, c'est profiter de l'hiver. Et là, les enfants veulent que je m'endorme dans un sac de couchage en glace. Eh, monsieur. La misère à dormir dans un lit traditionnel, moi, là. Hey, il y a 3 semaines, faut que je te raconte ça, mon petit cul. Ah non, non, mais c'est... Va dire bonjour au monument. Ben oui, il va me répondre, lui, là. C'est mieux que ma femme, lui. Au moins, je sais qu'il est de glace. Ouais, mon épouse également, là. Mais moi, j'ai signé là-dessus, moi, là. Qu'est-ce que t'as signé? Ben, il y a l'acte de mariage. Tu dois suivre le chemin des amoureux. La vie, c'est ça, il se ressemble comme les petits chemins du quotidien. Oh, il faut peut-être vivre heureux. Sinon, ben, séparons-nous deux. Moi, je vais prendre le DVD, le HDVD, la radio. Toi, tu gardes les raquettes, les skis, les patins. Amuse-toi bien, ma chérie. Tu es une femme resplendissante. Je sais que tu auras beaucoup de succès avec la rente masculine, même si t'as viré féminine. Dans cette acopée, là, Kata, l'ancienne religieuse, là. Hey, elle a croyé. Oh, mon Dieu, elle croyait. Oh, elle croyait bien t'avoir. Puis elle t'a eu. Plus que l'autre, en haut, là. En haut. Lui en haut, son voisin d'en haut. C'est le curé. En fait, c'est pas vraiment un curé. Il joue le rôle d'un curé parce qu'il dit ça m'attire la sagesse. J'ai des tempes grises. J'ai des cheveux gris. J'ai des cheveux rouges. Oh, il adore. Non, j'ai des tempes grises. J'ai des cheveux. Excuse-moi, la réplique a sorti comme. Oui, c'est ça. J'ai des cheveux gris. Les yeux rouges. Et l'humour extrêmement aiguisé. Ah, mon Dieu. Tranchant. comme un couteau dans ton arteau. Ah, mais ça, c'est très, très, très touchant. Pas touchant, c'est délirant. Oh oui, délirant également. Et lorsque je descends de mes marches pour atteindre la brebis. Ah, mon Dieu. Oui, c'est là. Vous avez raison de faire un... Parce que c'est la brebis qui cherche... Là? Oh oui, on est là. Oh, ben, vous, êtes-vous présent? Là? Oui, oui, oui, oui, merci. On dirait que le son est pas... Oui, mais monte ton micro. Non, c'est pas le micro, c'est... OK, les écouteurs. Ah, je fais 25 ans, je fais une émission de radio. Je sais pas qu'il faut lever les écouteurs. Ouais, lui, il lève pas juste les écouteurs. En fait, il y en a pas, lui. Il entend pas. Oui, je l'ai fait il y a 2 semaines. Hein, on n'entend pas à rire. Hein, entend dans le... Hein? C'est pas bon, hein? On recommence pas, on continue. Hey, joyeux carnaval à tous! Hey, je me suis promené avant l'événement. Tu sais, moi, j'aime bien être derrière les rideaux pour observer avant que la populace s'avance et foule le sol. Et la glace, surtout la glace. Hein? Oh! Moi, je me suis préparé là pour placer ma caméra devant une rondelle que j'ai moi-même gossée. Une belle rondelle glacée. Oh! J'ai mis le pied, pfiou, je suis parti. Là, j'ai essayé 3-4 personnes. Là, j'ai attendu 15-20 minutes. Pfiou, c'est parti numéro 1. Oh! C'était extraordinaire de les voir tomber. Parce que là, il y en a qui touchent le sol puis regardent partout afin de savoir s'il y a quelqu'un qui les a observés. Hey! Là, il y en a d'autres là, tu sais, qui sont pris dans leur monde, qui sont en train de le texter, ils envoient des messages là, oui, je t'aime mon amour, puis là la personne n'est pas là, là ils sont sur une ligne de pio les pieds en par le cellulaire. J'ai ramassé 3 comment t'appelles ça, des cerveaux intelligents, donc c'est des téléphones. Ah, moi je suis trouvé plus brillant que le téléphone, moi. Fait que j'ai une vente de garage de téléphone. Je me suis fait un monument de glace, là. Si vous voulez voir ça, c'est pas très, très, très compliqué. Vous prenez le Vieux-Québec. Vous descendez la canoterie. OK? Vous bifurquez vers la gauche, la rue Saint-Paul. Il y a une petite hutte. Comment t'appelles ça, mon Jean-Pierre? Ben, moi, j'ai pas fait la hutte, là. J'ai fait la... Comment c'était écrit sur le plan? Ben, il n'y en avait pas de place dans ta tête. Il était où la tête? Ben, sur tes épaules. Elle était où les épaules? Ben, normalement, sur ton corps. Mon corps était donné à Dieu. Dieu Tout-Puissant, où est-elle? Où est-elle-t-il? Où est-il-t-elle? Et monsieur. Une guérite! Bon, ça vient de descendre. Ah, bien oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé ça en courant avec des anges. T'entends tout ça? Est-ce que c'est radiophonique, le son que ça a fait? Hey, mêle pas tout le monde dans ta maladie mentale. Non, non, ça fait plein de la chaleur, puis la flamme intrinsèque est arrivée. Il y a guérite dans ma tête qui a eu l'écho. Mets de l'écho, mon grand. Guérite. Êtes-vous guérite? Pas vraiment, moi. Ah, je suis tombé sur un ridicule personnage, moi, là. En réalité, j'achetais mon fromage Riopel. Et ma bouteille de rouge, québécoise, avec du caribou. Qu'est-ce que le caribou pour tout le monde qui nous écoute et qui vienne frayer notre Québec sublime et extraordinaire? Accueillant, quoi? Il nous invite à quoi? Oh mon Dieu! À des extravagances sportives? Oui. Des loisirs extraordinaires. Et monsieur, oui, c'est oui, plus que ça. Plus que ça, tu t'ennuies pas. OK. Et donc, du caribou. Certains diront que c'est le porto des pauvres. Oh! Êtes-vous porté à dire ça, vous? Moi, pas vraiment. En fait, je serais porté à dire la vérité. Oui, je suis là. Oui, j'espère. Ça fait 20 minutes qu'on est ici, là. Sous le monument de glace de Riton Bibelot. Non, c'est Rita. Riton. Non, mais c'est pas la même chose. Riton, ça, c'est son beau-frère. Ah, mon Dieu. Sa mère avait plus d'inspiration. Elle a dit, oh, Riton. Puis là, tout le monde, hein, s'esclaffait. Puis là, on l'appelait Rita. Rita, elle, depuis ce temps-là, ça a plus d'humour, cette affaire-là, là. Ça se replace le cheveu, là, avec beaucoup de violence. Elle se souvient d'avoir été. Moi, je suis heureux, moi, de ne plus me diriger vers les sentiers que je connaissais naguère. Ah, mon Dieu, moi, la violence... Non, non, pas, pas la guerre, naguère, avant. Avant quoi? Ben, avant que je me souvienne qu'est-ce qui s'était passé. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Casperge, Coco, je suis 21. Ah, mon Dieu! Alors, le Porto et le Caribou. La différence entre les deux, il n'y en a pas. Caribou vient de chez nous, le Porto vient de Porto. Italie, Espagne, voyons là, au Porto. T'as jamais entendu ça? Ben oui, mais pas la destination. Et mon destinataire, toi, que je t'aime. Oui, on est là. Hey, attendez-vous là, il est en train de monter, puis tu le coupes en plein. Ah, ça, c'est un coupeur d'émotions. Ça, je le vois un peu comme, tu sais, celui avec son bloc-notes, son crayon. Jambes croisées. Fesses bien serrées, là. Il écoute, là. Il écoute toutes les phrases, toutes les intonations, toutes les structures narratives que tu peux balancer. Là, il t'arrive à dire, pouf! Quand tu montes, là, ton élan, quand t'es comme absorbé. Comment, lui, c'est comment tu pouvais... On le sait pas, on le sait-tu, on est perdu, bon. Mais... Non. Non, il y a personne, il est arrivé. En fait, c'est du remplissage. On va mettre ça dans le four à 350, puis une heure et quart après, ben, on va essayer de déguster le rien, le néant. Puis on a mis aussi une rondelle pour faire évacuer la vapeur. Parce qu'on nous a dit, si tu places rien dans rien, ben, ça va brûler. Là, c'est pas rien, ça brûle, rien, là. Faut quand même laisser une place à l'improvisation, à quelque chose de plus consistant. Il y a pas de il y a des cons, là. Il y a pas en avoir. Ça peuple le monde. Excusez-moi. Ça peuple le monde, puis même ma lunette aime bien parler au micro. Hey, c'est vrai, hein. Mais toutes les parties de ton corps aiment dialoguer, doué. Ah, c'est vrai, c'est. Je voulais pas non plus te dire de même, là. Mais là, prends ton gravat et gréviche. Mais oui, on gréviche avec quoi? Ben, du papier. Où est le papier? On trouve plus le papier. Attention. Oh, monsieur. Là, on fait une émission. Pas de feuilles. Où j'ai placé des feuilles? Où j'ai placé ma tête? Où suis-je perdu? On va prendre celui-là. Mais non, il faut avoir l'autre. On vous demanderait, s'il vous plaît, de rester en place. Ne détachez pas vos ceintures. Paparotti. Mais oui. Non, préparez-vous pas à sortir. On n'aura pas les portes. Ça, c'est un truc qu'on nous a appris lorsqu'on a fait du musical il y a 25 ans. Moi, Tigus, c'est lui, la petite mousse. Non, c'est petite mousse. Mais petite mousse. C'est Tigus et petite mousse. C'est qui faisait Tigus? Ben, c'est le remplaçant de petite mousse. En fait, c'est le gars d'entretien ménager, hein. On disait, ramasse ta petite bosse, ma petite bosse. Il y a eu un petit bosse, ta petite bosse, toujours, hein, ta petite bosse. Puis, à un moment donné, il est resté gravé là-dessus. Puis, on l'a monté sur scène. Puis, il faisait des rondes. Ta petite bosse. Là, j'aimerais savoir mon dialogue, Oh, je l'ai. Ma feuille d'évacuation, elle est ici. Avez-vous senti comme, hein? Non, il n'y a pas eu d'attente. Le public s'attend à rien ce soir. Là. Mais depuis toutes les. Là, depuis à peu près combien de soirs, madame? Un soir viendra. Un soir reviendra, mais l'errance ne fleurira pas. La, la, la, la, la, la, la, la. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rinaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. J'ai remarqué, là, on arrête ça pendant quelques secondes, là. J'ai remarqué que lorsque je pouvais improviser, il fallait que je trouve, à un moment donné, le plancher. Et le plancher, c'est ce texte. Ah, c'est bon, hein? Parce que même si tu sais que tu fais du parachute, tu dis à un moment donné, ça va s'arrêter pour on va atterrir, là. C'est ça qui te fait jouir, parce que tu sais que ça va s'arrêter. Imagine si t'es 350 000 années à descendre en parachute. Hey, il me semble que je suis tout en train de pourrir, ben là. Il y a de l'air, là. Je suis comme, ah, non, mais mon épouse va m'attendre pour souper. ces patacs vont prendre le dessus. Et son amant, le dessous, ah, il enlève ses dessous. Hein? Tant mieux, je lui laisse. Avec toutes les dettes qu'elle va faire. Oh. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Hein? Oh, oh, monsieur, oui. Oui, mais oui. Contact avec les... Attention. Contact avec l'extraterrestre. Avec qui? Avec les extraterrestres. Et voici votre décodeur d'extraterrestre, Rénal, le véritable gagné. Oui? Tout est normal? Dans le paranormal? Nous avons un message actuellement. C'est pour ça que vous avez arrêté l'émission pendant quelques secondes. L'antenne de CKRL est envahie par des rayons. Ça adore, hein? C'est Yahweh quoi là-dedans, là? C'est de l'amour à l'université, du savoir universel. Oh mon Dieu. J'ai jamais fait ma vaisselle. Moi, je me suis acheté. Non, pas la vaisselle, universelle. Vaisselle. Ouais, ben, laisse faire ça. Moi, c'est du carton. Ben, ouais, c'est pas bon pour l'environnement. Là, arrête le on décode. OK, c'est vrai. Avons-nous le traducteur? Oui, il est là. Monsieur, oui, ça va. Fermez votre bouche. On va comprendre qu'est-ce qui va se passer. Okay. Bonjour, c'est Kairénien, c'est Kairénienne. Voilà les messages, les sons. Tout va bien. Nous avons entendu parler de cette émission farfelue. Farfelu? Du joufflu. C'est l'animateur. Rénald Régagné. Oh. Nous allons le prendre en otage. Oh mon Dieu. Nous demanderons une rançon. Une carte de CKRL, membre à vie. Ah, mais voyons donc, ça s'est jamais fait. Vous le ferez. Sinon, hey, il est possédé, lui. Oui, c'est vrai, je me suis senti comme être... Ah, c'est... C'est tout. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier Rénal Gagné. C'est passé quelque chose, hein? Il se passe toujours des affaires. Que... Là? Ben oui, on est là. J'avais pas capté ce qui se passe. C'est tragédie. Je veux débarquer. Pouvez-vous arrêter la Terre? Oui, on peut, mais on pouvait avant, on avait le... C'était manuel, aujourd'hui c'est automatique. Oh! Alors ça se terminera jamais. Quoique, comme on est tous infinis, on le vivra un jour, hein. On va rentrer dans le sillon, puis on va dans le noyau par la suite, puis on va partir dans le tunnel. On va voir la lumière. Le blanc infini. Le blanc universel. Le blanc de la purification. La main apparaîtra. On se fera tirer dans ce tuyau pour atteindre L'effervescence, c'est l'effervescence. Aujourd'hui, le vendredi 1er février 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. J'ai pris ça à l'acteur studio là, de l'intonation. La virilité du texte. Gérard Depardieu m'a enseigné 3 baffes sur le mot, 1 coup de poing sur la syllabe et vlan dans la phrase. Ah oui. Ah, et j'ai crié. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne. Crier et... À l'Instinus! Pour qu'elle revienne à l'Instinus, débute sa formation théâtrale à l'atelier de théâtre jeune public de Strasbourg. Puis, en parallèle de ses études universitaires en histoire de l'art et d'archéologie, elle participe à une série de stages au sein de plusieurs centres dramatiques nationaux avant d'intégrer l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. Ensuite, son parcours s'effectue au travers de projets théâtraux et cinématographiques dans lesquels elle peut exprimer son caractère et son vocabulaire de comédienne, et ce, dans des approches très différentes et exigeantes de l'humour, conjugué au féminin. Après avoir suivi les ateliers de Royal Clown Company, très français ça, elle décide de développer son spectacle Décorum, seule sur scène, burlesque, qui s'est joué au Ciné 13 Théâtre dans le cadre du festival Mise en Capsule. Actuellement, elle adapte librement un texte pour la scène dont le titre provisoire est Supine Marlene, sur les derniers mois de la vie de Marilyn Monroe. En 2012, en juillet, Hans Renadine était là pour lui parler. La preuve, c'est dans la minute où tu vas monter la languette. Oh oui, c'est vrai. Non, j'avais la... Je sais pas pourquoi c'est toujours descendu, ça. C'est pas normal. Non, on va aller le voir, le parent. OK, paranormal. Oui, oui. Thank you. Et après, voilà, c'est-à-dire, voilà, je te disais degré zéro, c'est-à-dire que c'est comme une page blanche, voilà. Bon, y a cette nudité et il y a ce cadre de scène qui, soi-disant, est à peu près vide. Bon, il se trouve qu'elle va trouver un rideau, ce rideau noir qui va l'emmener vers une toge antique, qui va l'emmener à faire Phèdre, mais qui va l'emmener dans d'autres registres aussi. Et puis après, il y a effectivement ces transformations d'objets ou ces détournements d'objets du quotidien, c'est-à-dire un seau de ménage qui est là comme... Effectivement, ça, c'est ça existe vraiment, accessoires ménagers, et qu'elle va utiliser en les transformant pour s'en faire un costume de scène. Et le gant, et c'est là que le gant en latex de ménage devient le gant de Rita Hayworth. Ah, c'est tout l'imaginaire, c'est comme une petite fille devant son... Oui, c'est du jeu, c'est vraiment du jeu. Oui. C'est vraiment du jeu, donc c'est dans ce sens-là que c'est du clown. Moi, j'ai plutôt tendance à dire burlesque, parce que clown, souvent, on le rattache à des choses. Donc, c'est un personnage burlesque. Mais c'est du jeu. C'est effectivement comme quand des enfants jouent avec un camion. Ça devient... voilà, c'est jamais utilisé comme un camion. Enfin, c'est utilisé... Bon, donc, tu regardes des enfants jouer et puis... T'as la mécanique, quoi. Tout est donné. Et tu... Ah oui, il fait ça. Ah, ben, bien sûr. Ben, voilà. Tac. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans ce... Ouais, bah on peut dire ça. On peut dire ça. Maintenant, ça m'empêche pas de travailler en tant que comédienne. Voilà, dans des registres plus classiques. L'année dernière, j'ai joué Shakespeare. Je suis partie au Portugal pour jouer Songe d'une nuit d'été. Et puis, bah le fait d'être... Est-ce qu'un public francophone ? Non, c'était. Ben, il y a le festival de théâtre à Québec et c'est effectivement les pièces allemandes sont sous-titrées. Ben, pourquoi pas? Non, toi, t'es pas. T'es pas en faveur de le sous-titrage? Ben, si, bien sûr. Okay. Mais ce qui est très drôle, c'est que du coup, t'as les réactions. Ah oui, plus tard, un peu comme un film, oui, c'est vrai. Et là, comment tu vis le décalage? Ah non, mais ça se passe très bien. Okay. Non, mais moi, des pièces, en tant que spectatrice, j'en ai vu plein étant à Strasbourg, des pièces allemandes, on les voyait toujours. Oui. Non, très très bien. Non, je te disais ça parce que ça, c'est ma démarche théâtrale. Classique. dans ce genre de choses. Mais après, voilà, je suis comédienne. Dans une affaire moins burlesque, moins extravagante. Si on me demande des choses très. Moi, je fais. Voilà, okay. je réponds à la demande. Okay. Que ce soit web, télé, cinéma, enfin voilà. Mais toi, lorsque tu écris vraiment pour susciter le sourire et le côté absurde des choses. Faut, en général, comment je travaille? Déjà, maintenant, je commence un peu à travailler à la table, mais la plupart du temps, je travaille quand même sur un plateau de théâtre. Enfin, un plateau de théâtre, une salle de répétition. Okay. Non, des gens avec qui je travaille ou filmer. Okay. Alors ça c'est difficile parce que quand c'est filmé tu vois tout ça marche pas, c'est ça d'abord, ça laisse rien passer. Mais en général, soit quand je revois les trucs, si ça me fait rire et que ça fait rire, c'est bon, c'est une garde. Il y a le filon, bah oui. Il y a le filon là-dedans. Bah après faut travailler, c'est... Mais Marilyn Monroe, c'est beaucoup de travail. C'est vrai. Un projet qui dure, qui est présenté pendant 55 minutes, demande des années et des années, mais ce n'est que 55 minutes sur 5. Ouais. Alors, il y a beaucoup de travail en arrière, mais il ne faut pas que tout ça se voit. Exactement. Oui, oui. Je suis allé voir 6 pièces depuis que je suis arrivé. Puis, qu'est-ce que tu as vu? Je suis allé voir une pièce de Michel Tremblay, À toi pour toujours, ma Marie-Lou. C'est bien. Okay. Là, ils sont en tournée actuellement. Ils sont à Avignon, ils partent à Avignon. Oui, exactement. Ben, oui. Mais j'ai une de mes copines qui joue dedans. Elle ne s'est pas fait remplacer une rouquine aux cheveux. Mais c'est elle que j'ai rencontrée. Pinel, c'est ça? Comment elle? Pinel ou. C'est quoi son prénom? Bonne question, je regarde dans mes mains. Ah oui. Sinon j'ai été. Mais donc c'était bien. Lettre à qualité de lettre à sa fille. D'accord. Et c'était incroyable. Ça peut être intéressant. Ouais. Tu la connais parce que c'est ton ami Facebook. Oui, mais je la connais. Oui, je la connais. On s'est croisés. Sophie Parel, ouais. Mais je l'ai croisée. On se croise sur des castings, des trucs comme ça. Mais effectivement, sa pièce, et c'est bien alors. Incroyable. C'est une pièce qui a été jouée à Avignon. Qui a été joué à Paris. Et c'est qui cet auteur alors? Parce que moi, Michel Tremblay, un auteur québécois. Ah d'accord. C'est lui qui a fait Les Belles Sœurs. Wake up to find a day that broke up your mind and destroyed your notion of our circular time. No tears out on the dusty ground for all my friends lost out there on the battleground. And I can't stand the feeling of getting so brought down. Straight. les rues de Québec sont remplies d'un air de fête. Chantons le joyeux carnaval. Quand partout dans la ville vont danser garçons et filles, fêtons le joyeux carnaval. Quand défilent les fanfares dans le joyeux fête-amarre, fêtons le carnaval. Quand paraît le bonhomme, tous les Québécois entonnent, fêtons, fêtons le carnaval. Les couleurs sur tous les monuments font la danse des mille bougies. Tous les cœurs chantonnent joyeusement. Carnaval, c'est Québec qui sourit. Quand les rues de Québec sont remplies d'un air de fête, chantons le joyeux carnaval. Quand partout dans la ville vont danser garçons et filles, fêtons le joyeux carnaval. Quand défilent les fanfares dans le joyeux tête-amarre, fêtons le carnaval. Quand paraît le bonhomme, tous les Québécois entonnent, fêtons, fêtons le carnaval. Carnaval, c'est un rêve tout en blanc, des souvenirs, des heures de gaieté. Carnaval, c'est la joie pour un temps que personne ne voudrait oublier. Quand les rues de Québec sont remplies d'un air de fête, chantons le joyeux carnaval. Quand partout dans la ville vont danser garçons et filles, fêtons le joyeux carnaval. Quand défilent les fanfares dans le joyeux tête-amarre, fêtons le carnaval. Quand paraît le bonhomme, tous les Québécois entonnent, fêtons, fêtons le carnaval. Fêtons, fêtons le carnaval. Je fais pleurer. C'est quoi, une ciboulette, ça, là? Non, c'est trois boulettes cassées. Ah, mon Dieu! C'est comme ta tête. Ah, oh, je la casse. J'ai dit six casses. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qui êtes-vous? Pardon? Qui êtes-vous? Ah, mon Dieu, un inspecteur. Je suis moi. c'est bon, ça? Qui êtes-vous? Je suis moi. Qui est moi? Lui. Qui est lui? Moi. Hey, on peut faire ça pendant 2 semaines et demie, hein? Pas 3 semaines, parce qu'à un moment donné, je manque de salive, oui. Non, non, non. 50 heures de radio, ça va, là. 150 heures, peut-être. 200, c'est... Ouais, après 300, moi, là, je commence à... J'ai la paupière qui tombe. J'ai la galoche qui tombe. Puis, et moi, je m'élève. comme un élève. Je m'élève comme un élève. Vers le bas, ben oui, je connais rien, moi, là, comme tous les élèves. J'ai pas le petit doigt levé, là, mais... Monsieur! Monsieur! Voyons, il y a le déco, hein? Ben oui, c'est moi qui est dans le fond. Monsieur! Il m'entend pas. Monsieur! Oh, les mains, oh, les... Monsieur, c'est moi qui lève la... Monsieur! Hey, il y a le professeur! Allô, monsieur! Monsieur, c'est moi! Monsieur! Je m'entends pas, moi, là. Je suis pris là-dedans, moi, là. Si ça sonne pour la récréation, on ne le sait pas. Ben oui, tout le monde va sortir. Ah oui, c'est vrai. Comment ça, il m'entend pas? Monsieur! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virgile d'Herbergia-Redirecienne? Anna-voyons-le-moi! Anna-arrache! Anna-arrache-tu, Anna-arrache! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors, la première phrase, c'est « Bon, j'ai sauté de mon lit de mort, je suis sorti de l'hôpital municipal et j'ai trouvé un boulot d'expéditionnaire. » Je croyais pas que le téléphone allait sonner après trois semaines, moi, là. J'avais envoyé des CV, Mme Tremblay, à droite, puis à gauche, en haut, puis en bas. Puis c'est en haut qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, viens-t'en, c'est le temps. Mais arrête donc, c'est jamais le temps de monter. Ah oui, c'était au 8e étage. Au 8e étage, pas d'achancheur. Fait que là, je me suis préparé mentalement pour monter, léviter sans prendre les escaliers. Là, je me dis, si j'arrive en haut puis il voit rien, il me voit aller vers le haut sans rien en bas. Non, mes pantalons sont là, mais sans rien, là, ouais, c'est ça, sans escabeau. Qu'est-ce qu'ils, hein? Ils vont dire, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est le Messie. Messie beaucoup, on n'a pas besoin. Messie beaucoup, là, on n'a pas besoin, ce malade. Et là, on va allez-vous-en. Allez-vous-en vers le bas. Monsieur, allez-vous-en. Enfoncez-vous. Enfoncez-vous comme le peuple. S'il vous plaît, enfoncez-vous. Je vous en prie. Faites pas le trouble. Les citoyens québécois en font pas le, non, ils en font pas de trouble. C'est juste les jeunes. Heureusement. Sinon, on serait pas vu par la planète entière, là. Quoi qu'aujourd'hui, les jeunes, selon Bouquin, non, oh, ouais, ils disent plus rien. Monsieur le peuple. Descendez. Ben, attendez, je peux pas monter, là. Je me préparais mentalement. Non, mettez pas le mental là-dessus. C'est un travail de manutention. C'est les mains, c'est pas la tête, là. C'est de brosser la sauce à spaghetti de Madame Thibaudot qui tourne ça depuis 8 ans et demi. Ouais, elle a passé 3 cuillères en bois, 2 pelles en métal, puis ouais, 2, ouais, que vous saviez que, voilà. L'ambulance est passée, hein, puis ils ont tout ramassé sauf la dame. Elle voulait, ben là, elle était, ben voilà, c'est ça, que, hey, vous êtes, c'est écrit dans les journaux, bon, ok, il y a rien. Il y avait de la photo, hein, mon, il y a de la vidéo, bon, non, pas dans le journal, hein. Comment, ils sont pas actuels, les journaux actuels, non, non, non. T'allais dire 2 fois, oui. Je me suis rattrapé, madame, comme j'étais au 3e but. Là, ils m'ont dit, si tu cours, ok, au 1er, au 2e, puis au 3e, ce sera un grand chelem? Un court-circuit? Non, un court-circuit, c'est quand la balle ne touche plus le sol. Et qu'il s'en va, elle s'en va en dehors des estrades. Ça, on appelle ça un maudit beau lancé. Ben oui, bravo, bravo, bravo, bravo. Mais si tu le fais sans savoir... Qui êtes-vous? Je suis Simon Memblard, le blin. Blin, blin, blin, blin, blin, blin, le blin. Le blin de Blainville. Oh mon Dieu, c'est pas le blin de Blainville. Mais j'ai été tombé à Blainville avant de monter le terre-plein. Et là, il était plus plein, là. Ah, non, non, il était survolté. En fait, il y avait presque une flamme, là, pour que je puisse monter par-dessus pour tomber vers le bas. Ben, moi, j'ai jamais tombé vers le haut, là. Sauf à cette émission-là. Wow! Avant de mettre la petite musique hawaïenne, c'est pas de la hawaïe, ça, là, là. T'as remarqué la hawaïe là-dedans? Attendez, mettez donc. Hey, t'as l'hawaïe facile, là. Tu peux dire même jamaïcain. Non, moi, je dirais cubanais. Hein, c'est tout. C'est que on sent la cubanesque. La fresque musicale. L'envolée des notes. L'interprétation du chanteur. Bref, les pieds qui nous moustillent le dorlot. Hein? Ah, moi, quand le dorlot me pique, là. Oh! Non, non, je vais pas à l'hôpital. Moi, je danse. Regarde-moi ça, hein? C'est de toute beauté. Oui, il y a eu un tremblement de terre, là, juste à côté, parce que j'ai sauté. On m'a dit, vas-y, c'est le temps. C'est toujours le temps. Fait qu'on l'a fait après, mais on nous dit, hey, non, c'était pas le moment. Ben oui, ben là, trouve le temps de trouver le moment. Ben oui. Y a pas de temps, y a pas de moment. Nous sommes à trouver le titre de cette phrase de Bukowski, c'est qui était et j'en suis un. Le titre, le débutant. Oui, mais c'était uniquement des Québécois. C'était la tournée québécoise. D'accord, ok. Donc, mais qui était chantée. Oui, ça y est, je vois. Voilà. Tu vois très bien ce que c'est. Et après ça, je suis allé voir, toi, pour toujours ma Marie-Lou, parce que je te vois la femme du boulanger, la dernière aussi de Galabru. Alors? Ah, c'est bon. C'est très, très bien. Mais je connais l'œuvre, je connais le film, je connais le livre. Donc, c'est Galabru. Donc, oui, bah. Homme de 82 ans. Mais il est formidable. Il part en tournée. Et même, je croyais, j'ai discuté avec une jeune fille qui travaillait sur ce projet-là. J'ai dit, voyons donc, c'est impensable. Elle m'a dit, oui, il quitte là, je pense, la semaine prochaine en tournée. Ensuite, je suis allé voir la fille à Marais, sur la rive gauche. Ah oui, je vois. Avec, oui, c'est, avec oui, Safari, Nina Safari. Ouais, c'est elle qui m'a donné. Sinon, j'ai tout payé sauf ça. Celui-là, elle me l'a offert. Ah bon? Ensuite, je suis allé voir King Kong Theory, Virginie Despentes. Oui, c'est où ici, ça? C'est juste en arrière, c'est à la manufacture des Barbès. Ah oui, à la manufacture des Barbès, ouais, je vois. Et c'est bien? À 21h, un coup de poing. Le lendemain, je la rencontrais. Une fille extraordinaire, à l'image un peu de Virginie Despentes. Ah ouais? C'est une pièce. 55 minutes, là. Mais c'est un coup de poing. Un coup de poing, tu parlais des femmes, Virginie Despentes a été prostituée, a été écrivaine. Je le connais, son livre. Bon, voilà. Alors, on est collé à la réalité. et c'est une vision où elle remet en question la place de l'homme, la place de la femme objet, les années 70, donc tout ce que tu m'as parlé, mais à la vision de Virginie Despentes. Incroyable. La jeune actrice est merveilleuse, touchante, elle chante, elle danse, elle a le micro, elle laisse le micro. Bon spectacle, excellent spectacle. D'accord. Moi, je vais voir tout ce que je peux. Hein. Oui, et puis Lettre à Calamité Jane, ça c'est une petite pièce bien pensée. C'est les lettres que... Ça c'est où ça? Ça c'est de Vavin, rue Vavin. Le théâtre. Au Lucernaire. Hein. Exactement. Oui. Et je devais aller voir aussi pour un oui, pour un non, mais le comédien était souffrant, donc ça, ils m'ont annulé le billet. Et ce soir, tu y vas? Non, ce soir, libre de libre de tout. Et, c'est ça. Et je rencontre le comédien après. Ouais, ben c'est très bien. Mais une journée après pour que je puisse mijoter tout ça. Puis, ah oui, mais, juste après la scène, c'est pas facile. Ben, pour toi, pour toujours ma mère et nous, c'est ce qui est arrivé. Et ça s'est très bien passé. Mais parce qu'il joue depuis longtemps aussi. Oui, c'est rodé. C'est vrai que c'était la dernière. Un peu comme Galabru, c'était la dernière. Et oui, tout le monde part à Avignon. Oui. Ils sont partis. Mais certains restent à Paris aussi parce qu'il y a plus de pièces de théâtre. Ah, bah oui, évidemment. Évidemment. Si on cherche, on trouve. Hein. Il y a tellement de choses à faire à Paris, même au niveau théâtral. Ah oui, mais moi, de toute façon, c'est le mercredi soir. Okay. C'est le soir où je suis au théâtre. D'une manière ou d'une autre. Hein. Soit moi sur scène, soit je vais voir les travailleurs. Alors, tu y vas ce soir? Alors, ce soir, je vais au 104. Hein. Oui. T'as entendu? Oui, ben oui, je suis allé rencontrer Albin de la Simone, qui est chanteur au 104. Ah oui, j'ai vu son... C'est Jean Jaurès. C'est là... Oui, c'est ça, c'est pas... Ah oui, j'étais dedans hier. J'étais à l'intérieur. Voilà. Mais là, j'y vais ce soir, mais... À partir de 19h30, il y a le vernissage d'une œuvre d'une artiste qui a fait parler d'elle ces derniers temps, une artiste portugaise qui montre ses œuvres à Versailles. Et c'est des œuvres immenses. Par exemple, dans le Palais des Glaces, elle a monté une œuvre qui s'appelle Marilyn. C'est une paire d'escarpins. Fait avec des couvercles de casserole en métal. Okay. Ah oui. Donc ils ont pris ça, tu sais, à Versailles, ils ont pris Murakami, Jeff Koons, etc. Donc là, ils ont pris ça. Et une œuvre qui fait partie de cette exposition n'a pas été acceptée à Versailles. C'est un immense lustre. Alors, j'ai des photos, d'ailleurs. Mais pourquoi elle fait parler d'elle à cause de sa vision Alors, je vais te montrer la photo. Tu vas rien voir de spécial, hein, mais... Ouais. Donc cet immense lustre, okay, oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait la lumière entre 5 mètres de haut, 3 mètres de large. Okay. Et il n'a pas été accepté à Versailles, parce que quand on y regarde de près, ce sont des petites choses de coton que les femmes utilisent de manière très intime. Ok, oui. Voilà. Et donc Versailles n'a pas voulu de cette œuvre, et donc c'est le 104 qui reprend. Alors, le... on peut parler de censure. Pas censurer le. Bah, ah, oui, c'est censuré. C'est-à-dire qu'ils ont accepté les couvercles de casserole, etc., puis tous les autres trucs, j'ai pas vu. Mais quand c'est des tampons, ça ne peut pas. Mais les tampax à Versailles, ça passait pas. I'm just about a moonlight mile down made a red pile of my shiny clothes, got a warm my bone, warm my bone. I've got silence on my radio, let the airways flow, let the airways flow. Another mad, mad day on the road. My dreams are fading down the railway line. I'm just about a moonlight mile down the road. C'est pas de valeur, on va y aller. Le pire qui peut nous arriver, c'est d'arriver que c'est commencé. Et puis Québec, c'est à 20 000, ça va nous faire un tour en ville. On ira vraiment en Québec, mais là, ce qui paraît, ça va danser la nuit, le jour. Ah. Elle a mis son petit chandail blanc. C'est pas carnaval, c'est pas fête. Puis elle a dit à ses parents, c'est pas carnaval tout le temps. La neige était belle, et la nuit aussi. Et la nuit aussi, on est parti en nous voyant. Les gens sont dit, on n'est pas près de les rouer ici. On avait décrit dans la face qu'on avait hâte de changer de place. Pas qu'il s'est mis à faire sa trace tout doucement comme un vieux qui connaît l'amour. On a fait le tour par le cinquième rang. C'est pas carnaval, c'est pas fête. Puis pas plus vite que ben doucement. C'est pas carnaval tout le temps. La route était longue. La jument connaissait le chemin. Puis comme c'était frais pour les mains, on se disait petit train va loin. Puis après tout, c'est pas une course. On sortait pas dessus la boue douce. Parce que c'était frais ton petit nounours. Quand on sortait, ben c'était pour se parler d'amour. Rendu en ville, demander aux gens, c'est-tu carnaval, c'est-tu fête, mais c'est fini depuis bien longtemps, c'est pas carnaval tout le temps. J'ai dit à Hélène, allons-nous-en ma petite enfant, on n'aura pas perdu notre temps, on va retourner dans le troisième rang. Hélène a dit, les joues toutes roses, le carnaval, c'est une bien bonne chose, une autre année, si ça se propose, pour être aussi divertissant, on va revenir. Oh, je prendrai ma tuque pis mes beaux gants. Ça sera carnaval, ça sera fête. Pis je t'aiderai ma belle jument. Ça sera carnaval tout le temps. To begin at the beginning. Alors, donc, c'est là-bas, au 104. Et c'est pour ça, c'est juste pour cette œuvre-là qu'elle a fait parler d'elle. Écoute, moi j'ai lu parce qu'effectivement j'ai regardé, je m'intéresse toujours à voilà, oui, donc bon, Versailles. À l'heure actuelle, parce que ça c'est de l'heure actuelle. Oui. Ouais. Et puis effectivement j'avais vu, je me suis dit, bon bah voilà, ça va rester là-bas, à Lisbonne et tout. Et ben non, pas du tout, c'est 104 qui le prennent. Ah, mais le vernissage a lieu là à partir de 19h30. Et tu as été invité? Oui. Donc je vais là-bas, mais il faut que je rentre assez tôt parce que demain je suis en tournage à 7h du matin au Champ de Mars. Et pour une publicité? Non, c'est le nouveau film de Valérie Lemercier. C'est sûr. Je rencontre son ancien mari demain, Burgala. Ah oui, d'accord. Bertrand Burgala, le monde est ici, hein? Oui, bah oui. Son ancien mari. Bon, je fais une toute petite chose, oui, tu t'imagines. Il n'y a pas de petites choses ou de grandes choses, il n'y a que des choses. Ouais. Hein? C'est bien. Donc voilà. Ok, ben alors tu es occupé. Oui, je suis occupée. J'ai 10 questions de la fin. Allez, vas-y, c'est parti. Si tu étais un liquide, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, c'est ça. L'eau. Non, mais qu'est-ce que tu avais compris à l'origine? Non, mais ça me fait rire parce que ça me fait penser à une émission célèbre. Bah oui, Bernard Pivot, et puis il l'a repris, comment il s'appelle Frappier. Oh, j'adore. Non, mais il est mort, non, mais ça existe plus. Non, l'autre, le plus récent, là, Thierry Ardisson, il faisait plusieurs types d'interviews, tu te souviens? Ah oui, ben oui. Dans son talk show. Lunettes noires pour le nuit blanche. Mais après, il l'a repris dans, je sais plus, c'était Tout le monde en parle. Oui, Tout le monde en parle, oui. Donc, c'était un interview sexy, interview machin et tout. Est-ce que c'était sucé des pas trompé? Enfin, tu sais, il avait différentes champs lexicaux. On dit que c'est proustien, hein. D'accord. Alors si, parce que, si je suis un liquide, si j'étais un liquide, bon bah de l'eau, hein. Pourquoi? Bah parce que l'eau, en même temps, c'est ce qu'il y a de plus répandu, mais c'est ce qui va très vite nous manquer. C'est essentiel à la vie et c'est beaucoup plus lourd, par exemple. C'était quelqu'un qui fait des gravures qui m'avait expliqué ça. Finalement, c'est beaucoup plus lourd que tous les solvants qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est indispensable. Oui, c'est essentiel. Pas d'eau, pas de vie. Si tu étais une ville. Et puis tu sais, il y a la mer, hein, quand on pense à l'eau, la mer, et comme je suis une mère. Ah oui, la mère est mère, oui, la mère est mère, oui, la maman qui sommeille en toi, mais qui a été révélée. Ah ouais, oui, largement, oui. J'ai trois enfants. Ah oui, t'es très jeune. J'ai fait des jumeaux. La première fois? Non, bah non, sinon je me serais arrêtée. On s'arrête là, oui. Non, première fois j'ai fait un garçon et après j'ai fait des jumelles. Est-ce que c'est vrai que ça saute une génération? Oui. Ok, c'est vrai. Mais moi j'en ai pas du tout dans ma famille ni mon mari. C'était vraiment. C'est extraterrestre. Bah oui, il faut croire. Et comment ils sont? Au top, ah oui. Génial. Comment, on va revenir aux questions après. Comment ton mari perçoit ça, le fait que tu te places devant un public nu? Alors écoute, je l'ai testé. Au moment où on s'est rencontrés, je jouais une pièce au Théâtre du Rond-Point où j'avais un... Donc j'interprétais une comédienne qui venait de l'Est. Pareil, personnage burlesque, un peu clown blanc à la Buster Keaton, etc. Et il y avait toujours du comique de répétition avec le metteur en scène. Les autres acteurs s'amusaient à lui enlever la fermeture éclair de sa robe. Jusqu'en bas. Okay. Et à chaque fois, elle allait se plaindre au metteur en scène. Ah, il y a beaucoup de temps, voilà. We'll be right back. Gaétan. Gaétan Brossé. Il est temps de dresser le portrait de ce soir, car le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. La joie est pareille à un fleuve. Rien n'arrête son cours. C'est une citation d'Henri Miller, extrait de son livre « Le sourire au pied de l'échelle ». Déjà, le titre est exceptionnel. Alors, la joie est pareille à un fleuve. Rien n'arrête son cours. Quoique quelques bûches, quelques arbres jonchés, normalement à l'horizontale, parce qu'à la verticale, c'est pas jonché, ça, c'est droitement élevé vers le ciel. Appelant le soleil à faire briller ses branches et à réchauffer les branchies des poissons. Les petits poissons, les plus petits. Les tellement petits poissons, là, qu'on les appelle comment? Allez, ma biologie, attends un petit peu, c'est pas les phytoplanctons. Les phytoplanctons. Les phytoplanctons, ça, c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Invisible à l'œil nu. Quoique moi, je les vois parce que j'ai l'oreille absolue, j'ai l'œil absolu, j'ai le corps absolu, j'ai l'absolution du pape, de la mère Michel et de son roi René Dupré, le président de la République du savoir universel, qu'il m'a dit, qui en fait, il m'a envoyé un courriel, et non pas une lettre, un courriel, un email, non, un courriel, un email, un courriel, un email. On vit en français, on s'exprime en français, on quittera en français. Peuple à genoux, parlons de la francophonie au Québec. Arrête donc, toi pas encore. Ouais, non, on fera pas ça ce soir, là. On n'élaborera pas sur le sujet. Nous ferons qu'évoquer. Évoque. Évoque pas. Quelque part au Québec. Il y a des phoques qui traduisent en... Mais c'est pas ça l'histoire, c'est mon ami Henri. Parce que pour lui, là, la joie, c'est comme un fleuve. On n'arrête pas ça comme ça, là. On le laisse couler. C'est comme une jouissance universelle. On n'arrive même pas à freiner son élan vigoureusement. Effervescent. Jamais. On peut. On est incapable. Même si on voudrait, là, on se ferait envahir par le torrent humoristique existentiel. J'ai une autre citation ici, là, qui m'allume beaucoup. On peut pas faire un petit feu de camp? Non. Allumer dans le sens qui m'illumine l'esprit, oh mon doux, qui me chatouille le cervelet. Ah. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Laissez passer le soleil. Ben, suis la caraquette, oui. Laissez. Un, deux, trois. Laissez. On pourra pas. Non, pas de ça. On traduit pas ça. Ça sera trop facile de dire sonne la chaîne. Sonne la chaîne. Ah oui. C'est de l'anglais, ça? Non. Non, c'est un refus, c'est un blocage. Donc, ça sort un peu comme n'importe quoi. Laissez. Entrez le soleil, laissez. 1, 2, 3, 7. Parce que 7, c'est chanceux. Si je fais 1, 2, 3, 4, ça m'arrivera même pas. Ma chanson risque d'être détruite, ma voix éclaboussée par ces micros qui vous sont présentés devant vous. Devant vous, toi, pour t'offrir le monde, les eaux parleront devant toi, public. douce voix et profonde. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Michel Audiard. Je ferai pas un drame, à bon entendeur convaincu, mais attention, pas d'amalgame, tu sais, j'ai toujours, toujours cru, j'ai toujours cru. J'ai toujours cru aux femmes. Si tu me montres ton cœur, je ne regarderai pas ton cul, ton si joli petit intérieur, pour ainsi dire, je l'ai jamais vu. Alors je regarde ton cul et je ne regarderai pas ailleurs, sauf peut-être à la rigueur si tu. J'ai toujours cru aux femmes, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru aux femmes. Ton âme, je ne regarderai pas ton cul, mais si tu me montres ton cul, je n'en ferai pas un mélodrame. À bon entendeur, salut, mais attention, pas d'amalgame, tu sais, j'ai toujours, toujours cru, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru aux femmes, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru aux femmes. J'ai toujours cru aux femmes. J'ai toujours cru. J'ai toujours cru aux femmes. Toujours cru. Et donc j'allais devant, le metteur en scène avait une table devant la scène, donc le public était derrière lui, et pour bien voir les comédiens sur scène. Et donc je venais sur sa table pour qu'il me remonte ma fermeture éclair. Et donc j'avais rencontré mon mari une soirée d'anniversaire, et puis il voulait me revoir, et je voulais pas lui donner mon numéro de téléphone, je lui ai dit, bon, si tu veux me revoir, viens me voir au théâtre. Et je me suis dit, voilà, s'il veut toujours aller plus loin avec moi, s'il a vu ça, c'est bon, il a compris. Et non, parce qu'il est... Il n'est pas dans cet univers-là. Hein. Non, il est dans le tennis. Okay. Ah, okay. Un autre terrain de jeu. Oui, oui. Mais non, il m'accompagne beaucoup. On a travaillé aussi ensemble. Il m'a... Moi, j'aime beaucoup ses retours parce qu'il a... Il a une sensibilité. Voilà. Mais il a une vraie sensibilité théâtre aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le milieu, mais il a toujours été au théâtre. Sa mère l'a toujours emmené. Sa mère était très branchée théâtre, etc. Donc elle l'emmenait, donc il allait autant au théâtre qu'au tennis, qu'au foot et tout. Donc voilà, il a cette sensibilité-là. Et puis, il est assez intransigeant, quoi. Okay. Et moi, j'aime bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la complaisance, tu vois. Et il est c'est pas parce dans... que tu es sa femme. Non, il peut me... Voilà, il peut me... Voilà, enfin bon, de toute façon, je suis pas... Non, mais ce que je veux dire, dans le travail, si tu veux, il sait me dire, ça c'est génial, là tu tiens quelque chose, là c'est pas... Travaille pas un peu trop là-dessus, c'est pas là-dedans. Voilà, moi j'aime beaucoup son... Ouais, sa vision. Oui. Okay. Ouais. Non, il m'a accompagné sur ce... Mais là, sur le projet que tu viens de terminer, c'est encore plus flagrant, là, la nudité. Donc, comment lui a perçu ça avec... Ça l'a pas dérangé. Ça l'a pas dérangé parce que, si tu veux, je suis vraiment... Il y a effectivement, c'est, c'est, c'est mon travail, c'est mon ça, ce spectacle-là, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi, mais je suis pas comme ça dans la vie, donc voilà, donc les choses sont très claires, si tu veux, c'est assez défini, quoi. Enfin, est-ce que Marie-Hélène va avoir aussi un peu de nudité, au contraire, tu vas la laisser Alors pour l'instant, le titre original est en anglais, okay. Et ça s'appelle Supine Marilyn. Ça veut dire la Marilyn allongée. Oui. Et allongée pourquoi? Okay. Il y a plusieurs métaphores que l'on peut faire pour la psychanalyse, pour des sexuels, au niveau. C'est évidemment que ça l'entoure, ouais. Ça entoure le personnage aussi. Écoute, tu vas la jouer extravagante ou tu vas la jouer. Tu sais, comme elle est dans les, elle essaie de faire des libres associations. Forcément, ça tourne beaucoup autour de son enfance, autour de sa mère. Donc, je la vois plus comme, je la vois comme une enfant, quoi. Qui n'a jamais vieilli, qui a été victime malheureusement du succès et de ses proches qui l'ont vampirisé. Oui, alors à la différente manière, c'est vrai que... Mais elle était fascinée par les artistes et les intellectuels et... Ben Mila, Arthur Mila, c'était pas joli, mais tu peux avoir quelque chose, je sais pas. Charisme. There's no rhyme or reason in sight. I'm seeing the pain off in their eyes. I'm seeing that often we lie, lost in our cries. I'm seeing impatient parents blaming unsuspecting children. I'm seeing inpatients, critical streets are there from the killings. I'm like, damn, blocks hot, not from the ozone. Through cameras, cops watch these little boys hold phones. Stuck, teenagers, foxes and pups on blocks, rocks and they chucks. Shoppers watching above, they need love. Not snug cuffs, federally fucked. Tis all an orchestration, Hans Zimmer couldn't conduct. But what do we do? Problems and men discuss, but talk about actions on the back end. And I guess most of y'all must listen to Rush. Long as you all good, then everybody under your fush. Every time I try and help myself, reaching out and finding no one else, I can't hold on. So every time you feel your soul in me, realize you can depend on me. Just hold on. Slipping fond of the Goulyard in grim tunes, we some dim stars. Batteries full barred at birth, but it's hard to stay charged on earth, cause worldwide like girth, the wise are in dirt. Grandmamas used to bus us to church, humming hymns, stretch out a fat meal on the table from something slim. Now we starving, faith on the back of a car, and the fine that follow tracks down arms and boulevards in the south. Hawk watches mouth bark, paints audio visuals, call it rhythmical miracles and parts what your eyes red see. Change-ups in your medley through headpiece. Still judge with no dread each day. Instead feast life's unfed beast that eats bread and meat. That's either your cash or your corpse. So I just pray that the Lord helps me last through these wars. Every time I try and help myself, reaching out and finding no one else, I can't hold on. Like you rain to the roof. So every time you feel your soul in me, realize you can depend on me. Hold on. either what's hood. We see through people, but we don't look in ourselves like we should. We try to grow in the cold, so busy shoveling snow that we tend to forget about the light that's warming our soul. The evil, the good, legal, the legal, what's hood. We see through people, but we don't look in ourselves like we should. We try to grow in the cold, so busy shoveling snow that we tend to forget about the light that's warming our soul. If you wanna be healed, then you got to reveal the truth. If you wanna be healed, then you got to reveal the truth. If you wanna be healed, then you got to reveal the truth. If you wanna be healed, then you got to reveal the truth. Is it clear in the mirror when you look at your exterior, inferior, interior voice? Some heard the woman good gained it, good came proper and offered at the junkies as a choice. Seems to whisper, the sisters, the switch they missed up, simply to get their financial support. Then turn and make the same supporter beat them and mistreat him and leave him after breaking them for the sport. Got a married man licking his lips and ladies of leisure. Lauren's feeling the fever, rather cheated than leave her. Love is money too much, so it's cheaper to keep her, cause she's a teenage love like Peppers and Reaper. Ain't nobody on this earth imperfect since birth, sinning and doing the irk and dirt in church. Then the next minute be back to putting in work, jumping into them hoes, not acting in first. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Fais-en le carnaval, fais-en. one sentence for you and I. I sent a dying pen, northern, a pile of husks in need. Heart transplants, kill time, cold blood. I flee wildly, giving you a land. What can you do for me? Now that you did to me. What can you do for me? Romantic entanglements, crunch numbers, speak softly on a night of cannabis. Smash a mangled mess, foiled again, of surging it wins, with smudged lipstick on a handkerchief. We know it's a labor of love that's always staying late. In the food, I save my comments and pay homage. Deduct from the bill, it's staying again. What can you do for me? Now that you did to me. What can you do for me? Now that you did to me. What can you do for me? Pardon? Un charisme. Ah, oui, absolument. Ouais. Si tu étais une ville, bah Paris, hein, je peux pas dire autre chose, ça va être hyper classique ce que je vais te dire. Pourquoi? Mais bah, comme je te disais tout à l'heure, je crois que j'ai toujours eu envie de... Ça a toujours été un fantasme, un rêve de petite fille. J'ai toujours eu envie de vivre ici. Et en vivant ici, ça n'a pas toujours été facile. Mais par contre, une des choses que j'adore dans cette ville, mais qui existe aussi à New York, c'est que je peux me balader dans Paris et j'ai l'impression de voyager. Ok. Et voilà, c'est-à-dire qu'on peut autant être dans des quartiers très touristiques, on peut être presque dans l'Utesse avec l'île Saint-Louis, on peut être un soir à l'île Saint-Louis et puis voilà, se balader sur les quais, manger une glace, faire du bateau mouche, et puis être en plein Belleville avec une population bigarrée. Enfin voilà, moi c'est vraiment, moi c'est ce... Cet amalgame, cette... C'est ça que j'aime. C'est cette explosion aussi, parce que c'est une ville explosive. Quoi? Et plein de petites flammes dans chaque noyau de cette belle ville. Ouais. Si tu étais une langue... Qu'est-ce qui te fait rire dans mes phrases? Mais non, mais c'est... Mais non, mais parce que c'est dur de... Okay. Ouais, je m'attendais pas... Il ne faut pas s'attendre, c'est ça le plaisir. Non. Bah, tu sais, en bonne française, nous, on n'est pas très doués pour les langues. Hein. Non, moi donc non plus. Ça serait... Bah oui, ouais, mais tous les autres, tous les étrangers sont très, très... parlent au moins... pratiquent au moins deux, trois langues. Nous, on est... Non, moi, je pense à la langue maternelle, donc... Je reste dans une auberge de jeunesse et c'est l'anglais. J'ai jamais parlé français là, depuis que je suis à Paris. Et moi, je visite des pays où je peux m'exprimer, donc j'irai jamais à d'autres endroits que la Belgique, la Suisse. D'accord. Mais eux, non, ils ont cette audace. Alors toi, c'est le français. Bah oui, je vais te répondre de manière classique le français. Hein. Et tu la maîtrises et tu la comprends. Et... Bah oui, mais en même temps... Moi, j'avais appris, parce que l'allemand, c'était ma première langue. Étant de Strasbourg, si tu veux, on a une culture aussi germanophone. Oui. Et Et c'est pas pour rien que les grands penseurs, les grands poètes se sont exprimés dans la langue allemande, parce que c'est une langue beaucoup plus recherchée, beaucoup plus concrète pour exprimer des pensées. Et ça, parfois en français, je trouve qu'on manque. Alors après, c'est vrai que j'ai presque envie de revenir au latin. Alors tu vois, j'ai appelé mon spectacle Decorum, mais c'est vrai que, encore une fois, je te dis, nous, on a des racines latines, mais c'est vrai que quand tu t'intéresses au latin, pareil, c'est aussi un angle qui te fait rentrer dans l'histoire, qui te fait comprendre les civilisations et qui te... voyager. Ouais. Que voulais-tu que je fasse hier? T'as de plus que de chercher de tout mon être. Que voulais-tu que je fasse hier? T'as de plus que de chercher de tout mon être. Perdu, qui es-tu? Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.